premier temps d'une série d'émissions au titre programme « Que faire de nos morts ?» Bien entendu, les inhumer, mais peut-être aussi les représenter. Toute la semaine, La Fabrique va rompre avec le tabou et la mise à l'écart occidentale et très récente de la mort en la plaçant au cœur de notre programmation. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Suboulet traitera de la naissance moderne du métier de thanatopracteur. Mercredi, nous débattrons des rituels de deuil et jeudi de l'histoire des cimetières. Et aujourd'hui, nous aborderons l'histoire de nos sensibilités face à la mort avec deux invités, une historienne, Stéphanie Sauger, elle est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université François Rabelais de Tours. Elle est membre du CETIS, le Centre Tourangeau d'Histoire et d'Études des Sources, et elle travaille ces temps-ci sur l'histoire du cercueil à l'époque contemporaine. Et une historienne de l'art, Pascale Dubus, elle est maître de conférence habilitée à diriger des recherches à Paris 1. Elle est auteure au CNRS édition de L'art et la mort. De la danse macabre de Saint-Saëns dans une interprétation de l'Orchestre National de Lille dirigée par Youn Markel. Bonjour à vous Stéphanie Sauger. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette émission et cette semaine consacrée aux sensibilités face à la mort, parce que vous êtes parti d'un travail de thèse qui était consacré à l'histoire des gares au 19e siècle. Vous avez écrit un livre qui s'intitulait « La recherche des pas perdus ». Vous avez travaillé sur les maisons hantées, sur les fantômes. Pour arriver aujourd'hui à l'histoire des cercueils, pour votre habilitation à diriger des recherches, qu'est-ce que c'est faire une histoire des cercueils et pourquoi l'inscrire dans cette longue histoire du 19e siècle sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps, Stéphanie Sauger? Alors, oui, c'est vrai que les objets peuvent paraître éclatés et qu'on peut se demander... La locomotive à vapeur. Voilà, le sens de cette exploration. En même temps, je crois que c'est une démarche exploratoire qui vise à partir d'emplacements, d'interfaces, de lieux, de non-lieux, de lieux mouvements, en général des lieux qui sont assez mal identifiés ou un peu problématiques, d'essayer de comprendre comment les sociétés contemporaines, en particulier à partir du 19e siècle, des sociétés recomposent, réinventent, réinvestissent, s'approprient, imaginent des espaces du possible. Et puis configurent leurs agencements. Donc c'est ça qui m'intéresse à travers des lieux aussi différents que la gare, que des maisons hantées et que des tombes et des cercueils. Parce que on peut dire tout de même que le 19e siècle est un siècle, on le répète assez souvent, dit de la modernité. En tout cas, c'est à ce moment-là que le terme s'impose et est inventé. Mais en même temps, c'est un siècle qui, véritablement, à travers l'objet qui nous intéresse pour ouvrir cette série d'émissions, c'est-à-dire le cercueil, est un siècle de bouleversement. On peut dire que même ce bouleversement date de la première année du 19e siècle. Ce siècle avait un an et il a inventé le cercueil. Enfin, en tout cas, il a réinventé le cercueil. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment une invention, hein, parce que le cercueil, évidemment, il existe depuis longtemps. Mais en même temps, ce qui change véritablement au 19e siècle, c'est qu'il devient, dans les grandes villes, et puis d'abord à Paris, un accessoire absolument obligatoire, indispensable, et que l'État, et en particulier donc la ville de Paris, garantit pour tous, y compris pour les indigents. Désormais, il devient obligatoire d'être enterré dans un linceul et dans un cercueil. Ça, c'est 1800. Oui, absolument. C'est avant même le grand texte dont on reparlera peut-être pour ce qui est de la période contemporaine. Le grand texte, c'est le décret du 23 prairial en 12 qui fixe une nouvelle gestion des corps. Mais avant donc ce décret, à Paris, le préfet de Seine, Nicolas Frochot, a décidé de cette rupture importante. Alors nous sommes le 27 germinal en 9, donc le 17 avril 1801, et il y a un agrément qui est donné par la préfecture de Paris, dans la préfecture de police, par un entrepreneur qui s'appelle Luc Clément Bobet, qui sera le premier d'une longue série d'entrepreneurs de la mort à Paris, qui vont progressivement se conformer à ce qu'on va leur dire, parce que c'est la loi ou c'est un décret municipal qui instaure ce genre de relation entre la ville et les entrepreneurs de la mort. Et tout au long du 19e siècle, vous avez suivi les différents aléas, pourrait-on dire, de cette gestion de la mort dans la ville de Paris, Stéphanie Sauger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, vous y reviendrez probablement tout au long de la semaine, mais ce qui est en jeu, c'est à la fois des enjeux sanitaires. La ville doit se préoccuper de la santé des populations et on s'inquiète des émanations méphitiques qui peuvent exhaler des cadavres. On a déjà commencé au XVIIIe siècle à extraire certains cadavres, à faire sortir du côté des Saints Innocents, par exemple, le cimetière des Innocents, on a fait sortir certains morts. Parce qu'il y avait eu les cimetières intramuros, et en particulier les cimetières paroissiaux classiques, hein, ce qui était quand même la grande façon de gérer les morts depuis le Moyen-Âge, c'était d'être enterré près des saints, près des églises. Bon, c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle surtout, on entre dans ce que Régis Bertrand a appelé une transition funéraire. Et cette transition funéraire, elle est à la fois souhaitée par le clergé, par les évêques, mais elle est surtout demandée par les médecins. Et puis, ça devient un enjeu véritablement des pouvoirs publics, d'ordre public, que de prendre soin de la population, de sa santé et de gérer de manière décente également les morts. Alors, à partir de ces années 1801-1804, avec le décret du 23 prairial en 12, du 12 juin 1804, mais aussi du 18 mai 1806, il va y avoir un rapport très particulier qui va s'établir entre les fabriques, donc ceux qui gèrent les églises en particulier, les dirigeants municipaux et des entrepreneurs qui vont devoir négocier en permanence. Et c'est cette négociation que vous nous racontez dans vos travaux, Stéphanie Sauger, qui doit enterrer comment, avec quelles obligations, qui doit payer pour pouvoir enterrer ou être enterré. Et cela, ça va être tout au long du 19e siècle le travail de chacun, de la législation, de définir le rôle de chacun dans cet encadrement de la mort. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre en place, effectivement, dès les premières années du 19e siècle, une double façon de considérer la gestion des funérailles. Il y a à la fois une gestion religieuse, un service intérieur lié aux églises, aux synagogues, aux lieux de culte, et puis d'autre part, une gestion extérieure qui va relever plutôt dans les grandes villes d'entreprises privées qui obtiennent des contrats d'adjudication avec la ville et qui vont s'occuper du transport. Et la question du transport, elle est principale, elle est vraiment importante parce que les cimetières sortent des villes. Donc entre le lieu du décès, le plus souvent à domicile, l'église ou la synagogue, le lieu de culte où a lieu la cérémonie, et ensuite le cimetière qui désormais se trouve en dehors de l'enceinte des grandes villes, eh bien, il y a un temps de transport et ce temps de transport nécessite, Philippe Ariès l'avait déjà mis en avant, l'utilisation et peut-être la mise en avant de cet accessoire qu'est le cercueil, mmh, qui permet le transport. Le cercueil et également le char funéraire. On se dote dès le début du 19e siècle à Paris d'une quarantaine de chevaux, ces entrepreneurs, pour pouvoir justement tirer ces chars funéraires. Et les seuls à pouvoir être transportés à bras, ce sont les cercueils d'enfants. Mais très rapidement, on va se poser des questions. Est-ce que les cercueils d'enfants doivent être aussi grands que les cercueils des adultes? Est-ce que on peut faire des différences entre le bois de l'un et le bois de l'autre? Est-ce qu'il y a des essences qui sont plus fermes et donc de meilleure qualité que d'autres? Parce que une des questions qui se pose, c'est le marché de l'enterrement. Et vous le notez bien, Stéphanie Sauger, c'est-à-dire que on demande à ces concessionnaires qui sont nommés par la ville de Paris, par adjudication, on leur demande d'enterrer les indigents, et ils sont nombreux les indigents, ils sont presque la moitié des morts à Paris dans ce 19e siècle, et donc de les enterrer dans des cercueils qui, assez communément, sont de moins bonne qualité que ceux qui seront enterrés et qui ont un peu plus d'argent. Donc il y a déjà une sorte de lutte autour de comment faire son argent en enterrant les pauvres, tout en gagnant de l'argent sur ceux qu'on enterre et qui sont plus riches, Stéphanie Sauger. Oui, c'est un peu l'équation que se posent les entrepreneurs, puisque la ville leur fait l'obligation de fournir des cercueils et des linceuls gratuits pour les indigents. Mais en même temps, ce sont des entreprises privées et qui donc vont essayer de faire leurs bénéfices en proposant toute une gamme de produits et d'accessoires dans des cercueils payants qui, du coup, se différencient forcément beaucoup, de plus en plus, des cercueils pour les indigents. Et c'est en même temps très compliqué, en particulier à Paris, où il y a une aspiration très forte de la population à une égalité devant la mort. Mmh. Ces considérations, elles sont importantes pour des raisons politiques, pour des raisons d'équité devant la mort, mais elles sont importantes aussi pour des raisons économiques pour les entrepreneurs, et puis pour des raisons sanitaires, puisque lorsque vous avez des cercueils pour indigents en voliges, des planches... En peuplier, en bois de peuplier. Voilà, ou en sapin de mauvaise qualité, qui sont reliés par des clous avec des espaces mal colmatés, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis je voudrais revenir juste sur une chose, parce que il y a un travail magnifique sur la mort qui avait été réalisé il y a quelques années par Emmanuel Furex, qui montrait que certes les entreprises vont faire en sorte que les corps des adultes soient transportés dans des chars funéraires et que ce soit les entrepreneurs qui prennent en charge ces corps, mais autour des années 1820-1830, le port à bras des cercueils d'adultes et en particulier d'hommes politiques importants, c'est un enjeu majeur. Parce que c'est aussi un enjeu de la représentation et du pouvoir des larmes, comme l'a bien expliqué dans ses travaux. Emmanuel Furex, quand il explique effectivement que l'enterrement est un moment politique dans des endroits, dans des périodes où on ne peut pas manifester politiquement son opposition au régime. Et ça donne de la visibilité au cercueil. Bien sûr. Alors, cette question du cercueil est une question forte importante que vous regardez de très près. Vous dites que les années 1830, justement, sont des années un peu importantes à cause des Trois Glorieuses, mais aussi à cause du choléra. Rappelons que Paris est frappé par le choléra en 1832 et qu'on doit réimaginer la question de la sépulture de catastrophe. Parce que comment faire? Est-ce qu'on ouvre, on réouvre des fosses communes? Comment faire pour pouvoir enterrer des gens qui, par la naissance d'un individualisme mortuaire, pourrait-on dire, ne veulent plus être enterrés à côté des autres ou en même temps que les autres dans un même endroit, Stéphanie Sauger? Oui, en fait, ces années, la révolution de 1830 d'abord et puis l'épidémie de choléra de 1832 va d'abord poser la question de la façon dont les entreprises privées fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de gestion de stock. Les entreprises ne fabriquent pas encore à ce moment-là de cercueils. Encore des menuisiers ou des plombiers. Voilà, dépendent absolument des artisans de Paris. Et c'est autour de ces années 1830 que la situation évolue. Et qu'on voit apparaître plusieurs mutations importantes. D'abord, le fait que les entrepreneurs de pompes funèbres à Paris décident de développer des ateliers de fabrication pour ne plus avoir des problèmes de rupture de stock. Le fait que la ville leur impose d'avoir des stocks, de disposer des stocks pour ne pas être prise à dépourvu. On va venir jusqu'à 6000 cercueils environ préparés à l'avance dans la deuxième moitié du 19e siècle en particulier. Oui, dès 1832, c'est une obligation qui va effectivement devenir la norme assez rapidement. Et puis, la question effectivement de l'inhumation en fosse individuelle devient de plus en plus forte. Et la situation est intéressante même pour ces sépultures de catastrophe de 1830, puisque ces trois glorieuses ont lieu pendant l'été et que il faut imaginer Paris couvert de barricades. Donc un entrepreneur de pompes funèbres qui ne peut pas venir chercher les corps et qui ne peut pas donc leur offrir le traitement habituel. Ce qui fait que ces corps vont être inhumés dans la ville, à l'intérieur de la ville, en particulier dans la cour du Louvre, et que c'est en 1840 seulement qu'on va les exhumer pour placer ces corps dans des cercueils qui sont en même temps des sarcophages. Alors là, c'est problématique aussi. Là où on attend des cercueils individuels, eh bien, on va grouper les héros de la nation dans des cercueils communs qu'on va venir enterrer sous la colonne de la Bastille. La colonne de Juillet au milieu de la place de la Bastille. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et on le sait depuis qu'on a vu pour la guerre de 14 des films qui traitaient de cela, La vie et rien d'autre, ou encore tout récemment Au revoir là-haut, tiré du roman de Pierre Lemaitre, avec ce scandale des cercueils qui étaient trop courts pour pouvoir y mettre économiser les planches et donc ainsi faire de l'argent sur la mort. Mais vous connaissez cela au 19e siècle déjà, les morts de l'assistance publique en particulier, les morts des prisons, les gens sur lesquels on fait des expérimentations qui servent aux étudiants en médecine pour faire de l'anatomie, eh bien tous ces gens-là sont mis dans des cercueils un petit peu, collectifs en l'occurrence. Et ça ne plaît pas beaucoup parce que justement, au 19e siècle, on voit monter ce sentiment du respect du mort dans son propre cercueil, seul et sans les autres, en l'occurrence Stéphanie Sauger. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de corps qui sont soustraits au circuit funéraire classique. Alors que s'impose la norme du cimetière, le processus funéraire qui passe par l'entreprise funèbre, et bien tout ce qui ne meurent pas à leur domicile sont extraits de ce processus funéraire normal. Et plus les années passent, plus on sent qu'il y a des conflits qui s'instaurent autour de cette question du cercueil et de la bonne inhumation. Les gens dans les prisons, ceux qui sont dans les hospices et les hôpitaux, ceux qui sont dans certains endroits, donc ils ne meurent pas chez eux, ceux qui finissent aussi à la morgue pour des fins d'identification, tout cela échappe un peu aux procédures normales du funéraire et les sensibilités sont émues. Oui, et ces sensibilités face à la mort sont nombreuses et variées. Vous citez le cas, par exemple, d'Auguste Comte, qui est le père du positivisme moderne, qui veut absolument être enterré dans un même cercueil que celui de son épouse, les mains entrecroisées, en laissant la possibilité d'y rajouter leur fille quand elle décédera, et on lui interdit. On lui dit, il n'est pas question que vous soyez dans un même cercueil avec votre femme. Et votre fille, vous serez, on casse son testament, dites-vous, parce que c'est à la fois la naissance de cet individu qui veut avoir sa propre sépulture et les conditions de sa mort et de son enterrement, mais en même temps, une question de normalisation, d'hygiène, qui fait que ça n'est pas possible. Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de gens qui expriment des vœux qui sont considérés de plus en plus comme excentriques. C'est-à-dire que on s'habitue à l'idée que chacun a sa boîte, finalement. Mmh. Lorsqu'Auguste Comte rêve de ce cercueil à trois, où il serait finalement dans ses rêves, entre son épouse et sa fille, on lui interdit d'accéder à ce rêve-là, à ce souhait-là. Et à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, il y a toute une série de polémiques à la Chambre, de débats pour dire que il faut laisser aux familles la liberté de choisir leur cercueil, de faire appel à qui elles souhaitent pour construire leur cercueil, et des parlementaires, des députés qui s'en prennent à la municipalisation du cercueil. Mmh. Il sera une espèce de chose horrible d'uniformisation, de standardisation d'un cercueil qui serait le même pour tout le monde et donc une espèce de vie dans l'au-delà qui serait d'une uniformité et d'une platitude terrible. Alors les entrepreneurs ont bien compris néanmoins qu'il était utile pour faire de l'argent d'avoir cette distinction dans la mort comme il peut y avoir de la distinction chez les vivants. Et ceux qui fréquentent aujourd'hui par exemple le 104 rue d'Aubervilliers qui est devenu un centre culturel très actif dans le nord de Paris, ne savent peut-être pas que c'est justement ce lieu, c'était l'aboutissement de cette municipalisation que vous décrivez tout au long du 19e siècle de la mort à Paris, Stéphanie Sauger. Oui, il a fallu presque 6 adjudicataires pour que se fixe dans un lieu, et encore qui n'est pas un lieu unique, hein, mais qui devienne le lieu important où s'installe l'entreprise des pompes funèbres. Et, ce lieu va rester central pendant de très très longues années. Ce 104, effectivement, c'est intéressant de s'imaginer que c'était un des points névralgiques de la gestion des morts à Paris à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il entre véritablement en action au moment de la guerre de 1870-1871. Et ça, c'est très important parce que vous avez travaillé aussi sur l'histoire n'est pas qu'un progrès lent et continu avec une évolution qui irait toujours dans le même sens. Vous avez travaillé sur les conséquences de cette guerre de 1870, le siège de Paris d'abord. Par les Prussiens, mais aussi la Commune de Paris, sur la gestion des morts dans la ville de Paris. Et là, on voit une sorte de retour à l'avant. C'est-à-dire entre 1800 et 1870, eh bien, on a extrait les morts de Paris, on les a mis en dehors. Mais là, évidemment, le siège fait qu'on ne peut plus joindre les cimetières périphériques, donc on réouvre les cimetières intramuros, ce qui choque beaucoup les Parisiens à l'époque, mais ils ne peuvent pas faire autrement pour enterrer leurs morts. Oui, c'est ça. En fait, il y a ce double siège, hein, parce que c'est à la fois le siège contre les Prussiens, puis ensuite le siège une fois à la Commune. Des Versaillais contre Des Versaillais contre la Commune. Donc ce double siège va entraîner toute une série de retours en arrière qui sont vécus comme des choses, enfin très anomiques. À la fois la réouverture de cimetières anciens qui sont saturés. Et puis la fermeture des cimetières qui étaient enfin extramuros, parce que peut-être faut-il rajouter que une des choses qui fait que Paris est tout à fait dérogatoire par rapport au reste du territoire, c'est que les grands cimetières extramuros qu'elle avait ouverts au tout début du 19e siècle entrent dans la ville lors de l'agrandissement de Paris en 1860 par Napoléon III. Voilà, elle est déjà dans un système dérogatoire. Et qu'avec le siège, on va encore accentuer ce système dérogatoire, puisque désormais, on ne peut plus sortir pour enterrer les morts. Donc les morts sont enterrés dans des cimetières intramuros qu'on réouvre, dans des jardins. Les murs, les enceintes des cimetières vont être entamés, absolument. On va les transformer en meurtrières. On sait aussi le rôle du Père Lachaise pendant la Commune de Paris. Il va servir de lieu de pilonnage d'artillerie du reste de Paris. Et puis, les derniers combats de la semaine sanglante se déroulent. Et on va abattre les arbres aussi, parce qu'on a besoin de chauffage dans ce Paris assiégé de 2 ans, presque. Oui, et puis c'est très compliqué de continuer à faire des enterrements classiques, parce que ces enterrements classiques nécessitent, on en a parlé, des chars funéraires conduits par des chevaux, mais les chevaux, on en a besoin. On va les manger. Les gens n'ont pas de quoi manger. Ils abattent l'éléphant du jardin des plantes. Du jardin des plantes, voilà. Mais l'entrepreneur de pompes funèbres essaye de conserver du bois pour faire les cercueils, les chevaux pour tirer les chars funéraires. Et donc, on est dans une situation extrêmement tendue et assez fascinante pour la gestion des morts. Oui, Léon Vafflard, qui est cet entrepreneur qui a beaucoup de mal à faire entendre sa voix dans un contexte guerrier comme celui-ci, mais très rapidement... Une des premières décisions, une fois la commune abattue par les Versaillais, ça sera de revenir à la situation hantée, Stéphanie. Sur cette question-là, Stéphanie Sauger, on les voit, les nouveaux dirigeants autour d'Adolphe Thiers, se dire il faut revenir à la situation hantée, c'est-à-dire on va exhumer ces cadavres qu'on a enterrés à la hâte dans Paris, on va les mettre... dans des cimetières ou dans des fosses communes pour certains d'ailleurs. Et là aussi, les sensibilités à la mort sont à l'œuvre. Oui, alors c'est revenir à la situation antérieure et en même temps, il y a une telle saturation des cimetières que ça devient de plus en plus problématique. Surtout que, je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir, mais le 19e siècle, c'est un moment qui va idéaliser la concession perpétuelle. Mmh. Et la concession perpétuelle, elle a une conséquence immédiate, c'est de geler... C'est qu'elle est perpétuelle. Voilà, c'est de geler l'espace et de saturer les espaces qui sont laissés en terre commune, de les saturer beaucoup plus rapidement. Donc, ces années sont également des années où ressortent de manière très, très, très importante le débat sur la création d'un cimetière qui ne verra jamais le jour, mais qui, moi, m'intéresse parce qu'il me permet de relier les gares, les chemins de fer et puis les cimetières. C'était le projet d'ouvrir un cimetière à Méry-sur-Oise. Et pour aller à Méry-sur-Oise, on envisageait de créer des gares mortuaires et des chemins de fer mortuaires pour extraire les corps et les emmener donc tout près d'Auvers-sur-Oise, à côté de cette belle église qu'a peinte si bien Van Gogh. Merci beaucoup Stéphanie Sauger de nous avoir permis en ouverture de cette émission de revenir à ce moment inaugural du 19e siècle comme archéologie de notre modernité funéraire, pourrait-on dire. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire qui débute une série d'émissions consacrées à l'histoire de la mort. Que faire de nos morts? Nous venons d'écouter Le Corvina Consort dirigé par Zoltán Kalmanovits. C'est une pièce de Palestrina, une prière à la Sainte Vierge. Bonjour à vous, Pascal Dubus. Bonjour. Vous êtes la deuxième invitée de cette émission de ce lundi sur la question des sensibilités face à la mort. Nous faisons une sorte de bond en arrière dans le temps avec vous. Vous êtes spécialiste d'histoire de l'art. Donc, je l'ai dit, vous avez écrit « L'art et la mort » au CNRS Éditions qui traite de la question de la Renaissance et de la représentation de la mort à la Renaissance. Peut-être faut-il, pour faire un lien même ténu ou discret avec ce que vient de dire Stéphanie Sauger, expliquer la place qu'ont les morts, en particulier les cadavres, dans cette même Renaissance, dans la connaissance du corps humain. Vous y insistez dans votre livre, c'est le moment où on des terres à partir du début du XIVe siècle, dites-vous, en Italie, parce que nous allons parler de l'espace italien. On déterre les cadavres, on va les regarder, les ausculter, essayer de voir comment ils sont constitués. Et cela va être une source d'inspiration pour tous les peintres et aussi les sculpteurs de la Renaissance italienne, Pascal Dubus. Oui, alors d'abord je voudrais dire que les hommes de l'époque ont une formidable familiarité avec le corps défunt, ce qui n'est évidemment plus notre cas, hein, donc ils connaissent parfaitement bien. En ce qui concerne la dissection, il faut aussi noter quand même un phénomène extraordinaire, c'est que ce sont les artistes les premiers qui ont ouvert les corps avant les médecins. Mmh. Enfin, de manière, je dirais, régulière. Un peu clandestine, tout de même. Et illicite, absolument. Et illicite, donc, en se procurant des corps, bon, notamment, on le sait, pour Léonard de Vinci, mm-hmm. En se procurant des corps auprès, notamment, des hôpitaux, en récupérant les corps des condamnés, etc. Mais au service de l'art, je veux dire. Hein. Donc, ces artistes, bon, on peut faire la généalogie comme ça, des artistes anatomistes ont ouvert les corps, donc connaissent bien les corps, ont ouvert les corps pour les mieux connaître et pour les mieux représenter vifs. Mmh, bien sûr, c'est ça le principe, c'est le rapport entre le mort et le vivant. Il faut déjà dire que votre travail porte sur la Renaissance italienne, je l'ai dit, mais c'est important que de le dire parce que souvent, lorsqu'on parle fin du Moyen-Âge, et parce qu'on a tous lu Huizinga et tout un tas d'autres auteurs travaillant sur la fin du Moyen-Âge, on a la représentation de ces danses macabres, on a commencé par une danse macabre de Saint-Saëns, de ces danses macabres de la fin du Moyen-Âge et d'après, en particulier, la grande peste noire de 1348, mais ce sont des représentations de l'Europe du Nord, ce sont des représentations de transit très nombreux dans l'Europe du Nord, France du Nord, mais également Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Et vous dites, il faut évidemment se garder de faire la confusion avec le pays qu'est l'Italie, sur lequel vous travaillez, Pascal Dubus, parce que ça n'est pas du tout la même chose. Cette sensibilité face à la mort est très différente dans leur représentation des artistes italiens. Oui, mais étrangement, cette veine-là demeure dans les estampes. Donc on a bien deux types, si vous voulez, de représentations. Dans les estampes, dans la gravure, il demeure par exemple l'allégorie de la mort en squelette. Mmh. Il demeure ce type de motif. Bon, alors c'est possible que, enfin c'est à voir, hein, j'ai jamais tout à fait bien compris. Est-ce que ces œuvres étaient faites pour les plébéiens ? Puisque c'est de la gravure, donc il y a une autre circulation. En peinture, on s'y prend tout à fait autrement. N'oublions pas que c'est la Renaissance, donc le retour au thème antique, enfin à l'esthétique antique, au thème antique. Et peu à peu, en fait, peu à peu, on referme les corps en peinture. Ça, c'était ma grande hypothèse. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. Dans le temps où ces artistes ouvrent les corps pour les mieux connaître, ils les referment en peinture. Mmh. Il y a une espèce de phénomène inverse, si bien qu'on aboutit, moi je dirais, à de magnifiques cadavres. Enfin, je me permets, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sont les contemporains qui parlent de ces bellissimi corpi morti. Bon, donc en fait, on parvient à comment dire à des corps en effet qui sont tout sauf transis, mais je crois qu'il y a quand même une évolution analogue, par exemple dans les gisants de la basilique Saint-Denis au XVIe siècle, hein, c'est-à-dire que peu à peu les signes de putréfaction disparaissent. Bon, et on présente un corps intact presque. Et vous dites que sans véritablement les avoir vus, les portraits des mourants du peintre grec Apelle, qui sont des portraits qui sont supposés avoir existé dans la Grèce antique, ont cheminé jusqu'à cette Renaissance italienne, au point que personne ne les a vus, mais tout le monde les décrit comme étant de beaux portraits de mourants, et que cela pose la question, et vous insistez là-dessus, Pascal Dubus, de la question du dernier souffle. Comment représenter le mourant ? Comment lui faire voir ce moment de passage de la vie au trépas ? Alors, je voudrais juste revenir un peu en arrière, simplement pour dire que dans cette époque, 15e, 16e siècle en Italie, on représente l'histoire. Donc en fait, c'est à travers les histoires qu'on va figurer. Et dans les histoires prescrivent des morts, des martyrs. Bon, donc en fait, à partir de là, vous avez plus ou moins en effet deux cas de figure. Enfin, c'est ceux que j'ai détectés. Le portrait de celui qui est en train d'expirer. Mmh. Avec en modèle, effectivement, les fameux portraits de mourants d'Appel, qui est donné comme le champion du monde, toute catégorie, du peintre parfait, jusqu'au XIXe siècle. Évidemment, il a plus d'œuvres, vous voyez, donc c'est pratique. Ça n'est qu'une œuvre décrite. Ça va être génial, débarrassons-nous des œuvres, quoi. Bon, donc personne n'a jamais vu les œuvres d'appel, puisque elles sont disparues au 1er siècle à peu près, hein, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Pline les voit encore, c'est la fin, quoi. Bon, la peinture disparaît, elle aussi, elle est sujette à disparition. Bon, donc à ces histoires, bon, comment faire pour représenter, je ne sais pas moi, le fils de Postumus Tiburtius mort. Bon, ça c'est un mort. Bon, l'expiration, effectivement, ça, alors c'est un prodige absolu, puisque le dernier soupir, c'est un phénomène qui relève de l'acoustique. Comment faire entendre le son en peinture ou en deux dimensions. Vous vous rendez compte? Bon, donc ça, on est au bord de l'infigurable, hein, et on trouve ça absolument phénoménal. Bon, donc il y a quand même des, comment dire, il y a des préceptes, hein, quand même un peu. On trouve chez Léonard des tu bon, feras des hommes morts. Tout se passe dans le sourcil, hein, chez Léonard, tout est dans le sourcil. Tu feras des hommes morts, d'autres en train de mourir, grincer des dents, rouler des yeux, presser les poings contre leur corps. Les jambes tordues. Bon, c'est en l'occurrence dans une bataille. Donc la mort et l'expiration dans une bataille n'ont pas grand-chose à faire avec la mort et l'expiration sur son lit de mort, par exemple. Mais néanmoins, il donne quelques idées de la représentation possible de celui qui est en train de mourir, Léonard. Oui, et la bataille est un sujet parfait pour représenter les différents états, si je puis dire, depuis l'homme blessé jusqu'à l'homme mort. Le sang coule de la blessure. Voilà. Donc là, vous avez tous les états décomposés. En fait, la question de l'expiration, ça, par la suite, Lessing en parlera dans son Laocoon. Bon, peut-être essayer de représenter un moment avant ou un moment après. C'est un entre-deux, le passage du via trépas. Bon, mais effectivement, ça relève d'une performance, d'un tour de force. Oui, et puis après, une fois que la personne est morte, comment représenter le cadavre? Il y a tout de même un mort très encombrant dans cette période de la Renaissance, d'ailleurs depuis longtemps et pendant encore longtemps, c'est le Christ. Le Christ mort est difficile à représenter. Comment le représenter, soit souffrant, soit ne souffrant plus, soit allongé sur la table tel que le fait évidemment Mantegna. Quelle est la composition de ses chairs? Comment montrer qu'il est bien mort mais qu'il va ressusciter? Tout cela, c'est une sorte de casse-tête pour les peintres de la Renaissance italienne, en l'occurrence. Quand vous dites encombrant, je vous laisse la parole. Non, mais il est encombrant parce qu'il prend toute la place, d'une certaine façon. Quand on parle d'un mort... C'est un modèle, Christ, voilà. C'est un modèle, mais on a beaucoup d'autres morts à l'époque. Enfin, j'entends, c'est un modèle. Mais il n'est pas mort longtemps. Ce qui pose un problème, parce que s'il pose un problème de représentation, vous êtes d'accord? Oui, il n'est pas mort longtemps. Donc souvent, il est entre la vie et la mort, figuré entre la vie et la mort. Quand le Christ mort aux anges, en réalité, il se tient droit. Donc il est, vous voyez, dans un statut entre le trépas et la résurrection. Donc, mais cela étant, je reconnais qu'il sert de modèle la plupart du temps. Oui, parce qu'on ne peut pas le représenter avec la corruption des chairs, par exemple, puisqu'il va renaître en. À lui, ensuite. Non. Voilà. Donc, lorsqu'il est sur sa table allongée par Mantegna, il commence. Oui, Holbein l'a fait, voilà. Mais ça n'est pas la même école historique que celle sur l'histoire de l'art sur laquelle vous travaillez. Ça n'est pas l'Italie. Vous insistez quand même beaucoup sur cette particularité des peintres italiens, Pascal Dubus. Cette particularité... Rapport à la mort, vous dites oui, quand même. Oui, vous avez raison. Moi-même, j'ai été étonnée en travaillant, quoi, finalement, d'avoir autant de difficultés à trouver des transits. Voilà. C'est vrai. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui permet de transformer, à mon sens, je suis assez aristotélicienne, j'en parlerai après, qui permet de transformer un spectacle hideux, c'est-à-dire un cadavre réel, si vous voulez, hein, en spectacle de plaisir pour le regardant. Et je m'appuie, si vous voulez, sur cette remarque d'Aristote qui a été sans cesse répétée ensuite dans les traités artistiques de la Renaissance, où Aristote se fait cette remarque fantastique en disant comment c'est étrange, la peinture est capable de convertir un spectacle hideux en spectacle de plaisir. Et il prend deux exemples, les animaux vils et les cadavres. Bon, c'est-à-dire cette possibilité, d'ailleurs, en fait, on le voit aussi, pardonnez-moi, l'approchement aujourd'hui, mais au cinéma, ou ailleurs, comment on peut arriver à regarder des spectacles atroces par le biais d'une image, quoi, et y prendre plaisir. Bon, lui, il est bon. La question des, enfin ça, c'est peut-être un peu, comment vous dire, un petit peu périphérique, mais ça, j'avais été aussi étonné sur la question des animaux vils. Qu'est-ce que voulait dire Aristote par animaux vils? Enfin, de quoi il parle, hein? Pour les cadavres, c'est un peu plus clair. Je pense que les Italiens, bon, ils travaillent sur cette question-là. Enfin, ça les intéresse beaucoup. Et en fait, finalement, ils y vont à fond là-dessus. C'est-à-dire, bon, tel ou tel corps mort prescrit par l'histoire, hein, parce que jamais ils les inventent, ou dans les batailles, ben, ma foi, on va trouver des signes pour montrer qu'ils sont bien morts, mais en même temps, on va les embellir. Bon, d'où d'ailleurs l'image à laquelle vous, enfin le tableau auquel vous faites allusion, qui est splendide, le Mantegna, donc le Christ en 1465. Il y a toute une série de raccourcis, de morts en raccourcis, c'est absolument incroyable, ça va jusqu'à Manet. Donc, et je pense, moi, c'est mon hypothèse, il y a un article sous presse en ce moment là-dessus, c'est que ce raccourci permet la caractérisation du corps mort et en même temps son embellissement, parce que c'est un tour de force. Je dirais, c'est une performance artistique, le raccourci, c'est-à-dire la perspective appliquée à un corps. Votre travail, Pascal Dubus, se fonde dans l'art et la mort, sur la Renaissance italienne, qu'on peut trouver au CNRS édition, se fonde sur les commentateurs, les trattatistes, voilà. Les auteurs de traités. Voilà, les auteurs de traités sur l'art, et en particulier, évidemment, le plus célèbre d'entre eux, à savoir Vasari, qui décrit des moments très particuliers. Par exemple, vous ouvrez votre travail sur la description d'un peintre qui n'a visiblement jamais existé. Fivizzano, c'est ça? C'est un peintre inventé, c'est qui exactement? Qui aurait eu la capacité de peindre une tellement belle mort qu'elle tue celui qui la regarde, y compris lui-même, en l'occurrence. Oui, alors, Vasari est coutumier, ce que je trouve extraordinaire, coutumier, il invente des fables, il raconte des histoires, et elles méritent d'être prises en compte, comme autant de mythes, hein, qui sont créés. Bon, et en fait, vous trouvez cette histoire de Fivizzano, de ce peintre qui n'a jamais existé, c'est une fable, hein, dans la vie de Francia, parce qu'il rapporte que Francesco Francia serait mort d'avoir trop regardé la Sainte Cécile de Raphaël, parce que lui était plus mauvais peintre. Quand il a vu ce qu'était capable de faire Raphaël, Francia s'est désespéré. Il a trop regardé et il est mort. Et derrière, Vasari raconte cette histoire de Fivizzano, de ce peintre qui a peint la mort et qui l'a peint tellement vivante que finalement la mort s'est emparée du créateur et l'a tué. C'est moi la mort, l'animation de l'image. Moi la mort, je suis donc vivante, je ne suis pas une image morte de la mort si j'accomplis l'office qu'accomplit la mort. Donc en l'occurrence, c'est voilà le tableau qui tue d'une certaine façon. Ce qui est absolument extraordinaire. Mais néanmoins, il y a des représentations publiques de la mort. Vous notez que Piero di Cosimo, donc pour le carnaval de Florence en 1511, eh bien, de façon cachée, sans le dire à personne, visiblement, va imaginer un triomphe de la mort, un char de la mort qui va sortir dans les rues de Florence et qui va saisir les spectateurs de ce carnaval de Florence, Pascal Dubus. C'est la raison pour laquelle, tout au début de cet entretien, je disais qu'il semblait qu'il y ait, disons, des façons de figurer la mort différentes selon les médiums, si vous voulez. Bon, donc là, Piero di Cosimo, c'est un carnaval, donc il met en scène un grand char de la mort, façon Pétrarque, hein, à la manière pétrarquienne, qui effectivement relève des œuvres médiévales, hein. Mais c'est un char, c'est un cortège. C'est pas, voyez, c'est pas une peinture, c'est autre chose, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre sensibilité qui se développe là. Et c'est le peuple, le public. Oui. Alors que c'est public, hein. Alors c'est que dehors, hein. C'est un cortège. Alors que le tableau que l'on va composer, lui, il est à destination Il peut y avoir un public dans une église lorsque c'est une fresque, par exemple, mais sinon, il est à destination des plus puissants, de ceux qui peuvent se procurer des commanditaires, en l'occurrence, Pascal Dubus. Alors là, oui, ça dépend. Par exemple, le cycle du consistoire au Palazzo Pubblico de Sienne, c'était dans une salle où se réunissait la magistrature suprême. Mmh. Donc là, il y a une dimension politique évidente, et ils attendaient Charles Quint, ils ont montré les fresques à Charles Quint, c'est plein de morts. Au plafond, plein. Bon, donc c'est la République ou la mort. Hein. C'est l'idée comme ça qui se développe et qui est fondée, si vous voulez, sur les textes antiques. Mais bon, donc tout dépend de la destination. Tout dépend de la destination. Et puis il y a une autre destination que vous pointez du doigt dans votre travail sur l'art et la mort pendant la Renaissance italienne, Pascal Dubus. C'est le memento mori, d'une certaine façon, mais le memento mori qui prend un autre sens, et se souvenir de qui était le vivant que l'on aimait avant qu'il ne disparaisse. Et c'est Luca Signorelli qui, en 1502, va exécuter le portrait de son fils mort accidentellement. Il va le déshabiller et le peindre, dit Vasari, le peindre pour l'avoir toujours sous les yeux. Tout à fait. Vous avez alors là, c'est un rapport particulier entre le portrait et la mort qui est quand même très développé à l'époque. Vous avez un usage quasi commémoratif lié au portrait, qui est le portrait qui, en fait, en quelque sorte, l'image qui demeure et qui traverse les siècles, qui immortalise le portraituré, mais en même temps, quelque part, au moment où le portrait se fait, qui le met à mort aussi, hein, puisqu'on ne saura jamais plus ce qu'on a été 5 ans, 2 ans, 3 mois avant. Merci Pascal Dubus, et puisque on peut lire votre travail chez CNRS Éditions sur l'art et la mort, nous allons passer justement de ce fils mort de Luca Signorelli et de la façon de conserver son image à celle des thanatopracteurs, puisque demain nous aurons un documentaire sur ce sujet, un documentaire signé Anaïs Quint et Marie-Laure Ciboulet, extrait de ce documentaire qu'on pourra écouter demain dans la Fabrique de l'Histoire. La vérité sur la question des embaumements par Lambert. Il y a deux génies qui vont dominer au démarrage. Il va y avoir donc le docteur Boissier d'Issuquet et Jean-Nicolas Ganal. Il faut savoir que là, on a le médecin face à une personne qui ne l'est pas. Donc il y a une personne qui, lui, a développé une entreprise privée, etc. Les 21 et 23 mai 1845, Monsieur Ganal et monsieur le docteur Suquet ont pratiqué sous les yeux de la commission de l'Académie, chacun un embaumement dans des conditions identiques. On est vraiment dans le commerce de la préservation de la dépouille humaine, et on va arriver à un moment à ce que tout soit tarifé. Et justement, Ganal fait sa publicité sur le fait qu'il pratique l'embaumement moins cher que les autres. C'est les débuts de Ganal, c'est dire que lui, de toute façon, met l'embaumement à la disposition de tout le monde parce qu'il est moins cher. 14 mois après, le 14 juillet 1846, sous les yeux de la même commission et en présence de M. Ganal, qui reconnut l'intégrité des scellés apposés lors de l'inhumation, les cercueils furent exhumés et les résultats suivants furent constatés. Le sujet embaumé par M. Ganal était en pleine putréfaction. Il exhalait une odeur suffocante. Le sujet embaumé par M. le docteur Suquet était parfaitement conservé. La figure a conservé sa physionomie. L'invention de ce marché répond à une demande sociale, une demande de démocratisation, d'accès à l'embaumement. On souhaite préserver et montrer le plus longtemps possible la dépouille humaine. On va faire tout l'apparat qui va autour. On va mettre des tentures noires, on va épurer la pièce, on va contrôler la luminosité de la pièce avec des bougies, etc. On met en scène le deuil. Et l'embaumement fait partie d'une mise en scène du deuil pour l'époque. Étonnée de ces résultats, la commission a dû pousser plus loin son investigation, à savoir pourquoi des cadavres embaumés par M. Ganal il y a 10 ans se trouvaient encore conservés, tandis que celui soumis à la nouvelle expérience s'était putréfié en moins d'un an. Il fut reconnu que c'est à l'arsenic qu'employait autrefois M. Ganal qu'il fallait attribuer la conservation. Or, comme l'usage de l'acide arsénieux est défendu, il s'ensuit que le procédé d'embaumement de M. Ganal est réduit à néant. Voilà un extrait du documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire sur notre série « Que faire de nos morts ?». Mercredi, nous parlerons des rituels de deuil et jeudi de l'histoire des cimetières dans la Fabrique de l'Histoire. Si vous voulez vous procurer le travail de Pascal Dubus, il est édité chez CNRS Éditions. Je pense qu'on le trouve même en ligne, c'est cela, entièrement, Pascal Dubus. Et quant à vous, Stéphanie Sauger, on peut trouver votre travail dans des très bons sites comme Kern.fr, comme, ou je sais pas, c'est Kern.org peut-être, je sais plus, Revue.org et tout un tas d'autres sites de revues universitaires, c'est ça? Absolument, oui, il y a eu un article paru dans les annales de démographie historique et un autre dans la revue historique. Merci à toutes les deux d'avoir ouvert cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la mort. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierre Faucillon nous a accompagnés, était à la technique ce matin, et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les y écouter, bien évidemment, toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire et de toutes les autres émissions de France Culture aussi longtemps que vous le souhaitez sur ce site, mais également les télécharger pendant un an après leur diffusion. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.